L'installation. Janvier 1996. Quelle chance! Comme si la maison attendait Thomas, j'ai trouvé dans le grenier un berceau en osier. Il est en excellent état. Depuis, la machine à coudre tourne à plein rendement pour le garnir. Petit matelas, oreiller et couverture sont faits en un tournement. Ce landau providentiel étant muni de roulettes, il me permet de garder mon titounet vers moi partout où j'ai affaire. Ou pas. Un soir, alors que Jeannot et moi travaillons à la cuisine et que j'ai laissé Thomas dormir à côté, nous sommes soudain attirés par un gargouillis étrange. Nous jetons un coup d'œil et partons alors d'un immense éclat de rire à la vue de la mine réjouie de notre fils, un chapelet de bulles de salive aux lèvres, les yeux exorbités. Ceux-ci sont posés sur la généreuse poitrine à moitié dénudée d'une comédienne en vogue, l'air de dire « Quand est-ce qu'on mange ?» J'avais placé le berceau un peu trop près de la télévision. Nous préférons et de loin ce genre d'aventure, parce que d'autres fois c'est nettement moins marrant. Nous n'avons jamais compris pourquoi pendant 15 jours notre fils, âgé d'à peine 1 mois, hurle à plein poumon pendant 20 longues minutes chaque soir que Dieu fait. Ses couches sont propres, ses dents n'en parlons pas, et aucune épingle de nourrice n'est égarée dans un rayon de plus de 3 kilomètres. Manifestement, il est furieux. Peut-être n'est-ce là que l'expression d'une colère justifiée pour s'être fait refiler ce séjour bidon sur notre planète de singes. Allez savoir. En tout état d'impuissance, nous sommes bien obligés d'attendre que ça lui passe. Apprécions au passage l'évolution des couleurs. Bleu, rouge, violet, pourpre, c'est bon, il n'ira pas plus loin. Il se calme. La petite Charlotte, quand elle n'est pas en compagnie de son frère sur les genoux de son papa, ou en promenade avec moi, s'occupe avec ses innombrables jouets dans le très grand parc que nous avons installé à la chambre pour l'hiver et qui la protège de tout ce qui peut être dangereux pour une exploratrice de 18 mois. Avec le chauffage à bois, le potager et les cuisinières, les pièges ne manquent pas dans une vieille forge aménagée. Escaliers, trappes, lourdes portes, serrures qui pincent, il faut avoir l'œil à tout. Notre nid est comme je les aime, bourré de coins et recoins. Derrière un rideau se trouve un lavabo surmonté d'une glace. Sans doute pendant très longtemps l'unique cabinet de toilette. J'y ai installé une grosse bassine en plastique rouge. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, j'y donnerai son bain à Thomas. Dans le prolongement d'un boyau traversant le chalet, il y a une cuisine sommaire. Plus tard, nous la transformerons en cuisine modèle. Actuellement, il y a un buffet pour la vaisselle et l'épicerie, un petit plan de travail, les 2 cuisinières dont je viens de parler, un minuscule frigidaire qui nous apprend vite à ne pas accumuler trop de marchandises et une plonge archaïque que mon homme perfectionne et consolide rapidement au motif que pour moi, il faut construire solide. Je rejette ces arguments en bloc et je ris en faisant semblant de ne pas comprendre. Cette kitchenette a l'immense avantage d'ouvrir de plein pied sur l'arrière de notre chaumière. En hiver, nous condamnons la porte. La neige la bloque de toute façon. Mais en été, nous passons tous nos après-midi bien au frais sur la terrasse en écoutant la chanson du ruisseau. S'y trouve la jolie fontaine, bientôt entourée de reines des prés, que nous remettons en route chaque printemps et dont les enfants raffolent. Parasol, table, barbecue, hamac et petite piscine viendront vite compléter cet Eden. Notre vie s'organise gentiment. Rythmé par les tétés, 4h, 8h, 10h, 14h, 18h, 22h, et par les rendez-vous de Jean-Paul chez ses différents médecins, généralistes, physiothérapeutes et acupuncteurs. En dehors de cela, une bonne partie de notre énergie passe dans la recherche d'aliments. Pendant le premier hiver, il n'y a pas de récolte venant du potager et par conséquent pas de conserve. Pas de cueillette faite au dernier printemps, donc pas de tisane ni de condiments séchés. Nous nous concentrons sur le pain, le fromage, le pâté et les pâtes fraîches. J'ai des origines italiennes, bon sang, ne saurait mentir. Nous nous promettons de liquider notre voiture dès que les enfants sauront marcher. Nous n'en avons pas besoin pour aller travailler, inutile de rajouter à la pollution planétaire. Nos pieds et le car postal seront suffisants. Avant cela, et tant que nous le pouvons encore facilement, nous accumulons les réserves de farine et de pommes de terre. Pommes de terre que je trouve pour 50 centimes du kilo chez le paysan. Pour la farine, j'ai découvert en plaine un magasin qui propose des produits au prix de gros pour les agriculteurs de la région. On y trouve des sacs de 25 kilos que je mets dans de gros bidons en plastique, inaccessibles aux souris. Il m'est néanmoins arrivé de repérer des traces de morsures sur les fonds des 10 bidons. On dirait que ça suffit pour leur couper l'appétit. Juste à côté de l'escalier extérieur se trouve un cagibi. Nous y installons le congélateur bahut que nous sommes allés récupérer en pleine et qui nous sera bien utile pour conserver la viande, entre autres. Je l'avais repéré dans les petites annonces sur le mur de la coop au début de l'hiver. Il était à vendre pour une somme modique qu'on aurait tout à fait pu sortir. Mais quand sa propriétaire a appris que nous vivions sur une rente d'invalides, elle n'a pas voulu accepter un sou. Qu'elle en soit une fois de plus remerciée. Constamment en recherche d'idées, de bouquins techniques, d'ustensiles, bref, de tout ce qui nous permettra d'acquérir et de conserver notre autonomie, nous baguenaudons un peu partout dans le canton et même au-delà. Ainsi, nous trouvons une écrémeuse à Châtel-Saint-Denis, des faisselles dans le grand bazar de Bulle, de la pressure dans une droguerie d'Aigle. Les livres d'occasion pour faire soi-même son pain, sa charcuterie, son fromage ou ses conserves ne manquent pas, nous les collectionnons. Des affiches dans les gares et les abribus nous informent chaque fois qu'une brocante est annoncée. Si elle n'est pas trop loin, nous nous y rendons. À Villeneuve, tous les samedis, il y a les coffres ouverts sur la place de la gare. Tout un chacun peut venir avec ce dont il veut se débarrasser et le vendre entre 8h et midi. Souvent, je me dis que dans notre situation, nous avons énormément de chance. Partout s'ouvrent des vestiaires, des magasins de seconde main, des entraides familiales, des SOS futures mamans, des greniers d'Emmaüs et des boutiques coup de pouce. Conséquence directe, bien sûr, des aléas de notre société où le fossé entre riches et pauvres, nantis et anéantis, se creuse de plus en plus. On parle aujourd'hui de travailleurs pauvres, terme ignoré il y a seulement 10 ans, pour désigner ceux qui, tout en travaillant à plein temps, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il faut donc rivaliser d'imagination et développer un certain esprit de solidarité pour s'en sortir. Et c'est bien ce qui se passe. Nous aurions été malheureux du temps de nos grands-parents, quand il fallait tout acheter neuf et au prix fort, quand les apparences primaient sur les estomacs pleins. Il n'était pas convenable d'être pauvre dans notre pays en ce bon vieux temps-là. En ce qui me concerne, sauf pour quelques cadeaux bienvenus, dont par exemple des couches culottes lavables en tissu, je n'ai jamais rien possédé de neuf pour mes enfants. Il y a à Aigle un magasin qui me rachète tous leurs habits, donc je réinvestis l'argent dans des vêtements plus grands que je revends plus tard, et ainsi de suite. Désormais, ce n'est plus tout à fait une tare d'être démuni, ni forcément preuve de paresse ou d'inintelligence. Tant de gens ont perdu leur travail, sont trop âgés pour en trouver un autre, bénéficient de l'aide sociale, que la pauvreté n'est plus synonyme d'infamie. Par contre, être à l'assurance invalidité, ça craint. Les gens de nos montagnes sont durs. On sent qu'on ne leur a pas fait beaucoup de cadeaux. Pour mémoire, il n'y a pas si longtemps, beaucoup s'exilaient pour servir comme mercenaires ou journaliers. Ici, ils ont le visage taillé à la serpe, les gestes secs, le sourire rare. Ils sont souvent de petite taille, comme ces plantes qui ne peuvent s'offrir le luxe d'une longue tige si elles veulent achever un cycle de reproduction. Pour ces gens-là, tant qu'on tient debout, on travaille. Les vieux retraités sont rares. Les gens d'ici n'aiment pas non plus les citadins dilettantes qui ne travaillent pas pour cause de maladie, surtout quand ils n'en ont pas l'air. Malade, pas dilettante. Jean-Paul, qui souffre souvent le martyr dans sa chair et ses os, sans pourtant être immobilisé sur une chaise roulante, est bien placé pour le savoir. Il peut tenir debout et marcher, même en boitant, mais aucun signe extérieur ne montre à quel point il est atteint. Aucune preuve imparable des multiples entorses, hernie discale et bec de perroquet qui l'empêchent de vivre normalement et surtout de travailler plusieurs heures d'affilée. Certains jours, les regards en coin des paysans du village sont autant de couteaux dans la plaie qui attise son sentiment de culpabilité. Par bonheur, il est solide, mon Jeannot, moralement, sinon physiquement. Après quelques mois de traversée du désert, pendant lesquels il fera péniblement le deuil d'une existence de travailleur qu'il adorait, et mangera 400 grammes de chocolat par jour, il retrouvera son sens de l'humour, remontera la pente et donnera un nouvel élan à notre vie.